caméra. Bonsoir. Ça sonne l'écho. Bonsoir. Bienvenue à cette conférence du vendredi. Est-ce qu'il y a de l'écho dans votre bout? Oui. Une certaine résonance. Ayant pour titre découvrir une énergie plus puissante que l'émotion. J'ai regardé dans ton livre pour voir si l'émotion, c'était une énergie. C'est pas gentil, hein? Émotion, c'est une expérience intra-amique engendrée par la pénétration de mémoires expérientielles neuves dans les mémoires volatiles de l'âme. C'est l'énergie, ça? Ben, évidemment, oui. Non, je sais. On va vous dire non? C'était écrit dans les lignes. Écoute bien. Un fou. Comment c'est de l'énergie de l'émotion? Pour la simple raison que tout ce qui existe, c'est de l'énergie. Et l'émotion, c'est une vibration. Donc, une vibration, c'est un transport énergétique. L'émotion est une vibration, une expérience que l'on vit à l'intérieur de la psychologie, donc à l'intérieur de l'âme, suite à une réaction face à une expérience qu'on vit à l'extérieur. Autrement dit, lorsque l'on voit un arbre, on voit un arbre. Maintenant, la vision de l'arbre arrive à l'œil, elle traverse le nerf optique, elle fait vibrer des neurones au niveau du cerveau. Les neurones sont constitués d'atomes, donc ça fait vibrer la structure atomique du corps du neurone. Et la structure atomique est constituée d'énergie vitale, d'énergie intra-atomique. Le périsprit de l'âme, fait référence au livre, est constitué d'énergie interatomique. Donc, le neurone vibrant, les atomes se mettent à vibrer. Cela engendre la correspondance dans le périsprit et ça engendre une vibration similaire à ce que tu as vu dans ton âme. L'expérience, c'est ce qui est à l'extérieur. Maintenant, la nouvelle expérience qui vient de pénétrer ton âme, elle bouge des choses dans ton âme et le mouvement dans ton âme, c'est l'émotion. Alors, si on prend, comme j'explique de temps en temps, un bocal ici d'eau, eh bien, ça, c'est l'âme. La glace, c'est l'ego. Et si on amène une expérience extérieure qui frappe le bocal, bien, il y a une correspondance qui se crée dedans. Quand je fais ça, la glace bouge, l'eau bouge, l'expérience à l'intérieur, c'est l'émotion, et l'expérience à l'extérieur, c'est l'expérience événementielle, la mémoire de ce que l'on retient d'une expérience. Donc, l'émotion est toujours une réaction interne, mémorielle, physique, par la conséquence endocrinienne, et psychologique d'une réaction extérieure, c'est de l'émotion. C'est la façon qu'a l'humain de se mettre en relation avec l'extérieur. Mais c'est la façon, en réalité, on pourrait dire, c'est la façon qu'a l'animal humain de le faire. Pas l'être humain. L'être humain, il fait ça comment? Ben, il fait ça comment? Comment ça se fait? Comment ça se fait pour l'être humain? L'être humain, c'est une réaction qui est sentimentique. Donc, c'est une réaction qui est d'une énergie qui n'est pas mémorielle. Autrement dit, l'être humain a la capacité, lui, d'entrer en harmonique avec un événement, sans devoir nécessairement entrer en résonance, en harmonique, avec la mémoire de l'événement, c'est-à-dire avec une expérience intra-âmique. Autrement dit, pour l'être humain, la personne qui se conscientise, pour l'être humain, il est possible d'entrer en résonance vibratoire avec une expérience, avec un événement, sans qu'il y ait référence à ce qui se passe en dedans, dans la psychologie, dans la mémoire. Autrement dit, la première fois que tu vois quelque chose dans ta vie, tu la perçois sentimentiquement. La deuxième fois que tu vois la même chose, il y aura une comparaison, il y aura un mouvement à l'intérieur de ta psychologie, et là, tu vas la percevoir émotivement. Donc, sentimentique, c'est par l'absence de mémoire, de comparaison. Oui, sentimentique, c'est la résonance pure entre un événement et un percepteur, un observateur, un être humain. Et l'émotion, c'est la digestion, c'est-à-dire c'est la régurgitation d'une chose que tu as déjà connue, mélangée avec un événement qui est là présentement. Donc, si l'être humain élimine sa capacité de réagir à l'interne et de se laisser oblitérer dans sa conscience par ce qui se passe à l'interne, dans un événement, autrement dit, quand il se met à pleuvoir et que vous voulez qu'il fasse soleil, eh bien, l'expérience de la pluie vient créer un remous à l'intérieur, et le remous à l'intérieur, l'émotion, le remous à l'intérieur vient obscurcir notre conscience, puis là, on se met à chialer parce qu'il pleut, même si intelligemment, ça ne va rien changer. Ça, c'est la perception émotive. Alors qu'une personne qui perçoit ça sentimentiquement serait capable d'apprécier sa juste valeur, c'est-à-dire à la totalité de sa valeur, le fait qu'il pleuve, le fait que lui soit là à regarder la pluie, le fait que, bref, que l'événement soit présent. il sera instantanément ajusté à la nécessité qu'il pleuve, plutôt que d'être confronté à la mémoire inajustée de la nécessité qu'il fasse soleil, alors qu'il pleut. Est-ce que la mémoire aussi, ça a une relation avec les anticipations? Parce que dans le même exemple, si tu anticipes qu'il va faire beau, il pleut. Cette journée-là, c'est emmerdant. Mais c'est de l'anticipation, pourtant, c'est dans le futur. Donc, c'est mouillant. C'est mouillant, au lieu d'être emmerdant, oui. Entre les attentes, les anticipations. Est-ce que si tu vis sans attente, sans anticipation, tu vis sentimentalement? OK. Là, ce que tu amènes, c'est que si on part de l'émotion et puis qu'on grimpe différents échelons jusqu'à une énergie plus puissante que l'émotion, qui est la perception sentimentique, le sentiment. Maintenant, encore une fois, l'être humain souvent colore les mots. Si on apprend que l'hypocrisie, c'est un vilain défaut, sinon un péché, dépendant des ethnies spirituelles, si on apprend que hypocrite, c'est un défaut, alors, on pourra découvrir à un moment donné qu'être diplomate, c'est une qualité, alors que la diplomatie et l'hypocrisie, c'est la même chose. C'est comme de dire, si tu apprends que manger du cochon, c'est les pauvres qui font ça, alors toi, à ta table, tu mangeras du porc. Ça, c'est les riches qui mangent du porc. Mais le porc et le cochon, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, l'humain joue avec les mots. Un sentiment, c'est une émotion. Non. Bon. Quand tu parles de... La personne s'attend à ce que... La personne a l'intuition que, la personne a le sentiment qu'il va lui arriver quelque chose, la personne, etc., etc., on part de l'émotion, et là, on grimpe progressivement vers le réel sentiment, c'est-à-dire de l'amour intelligent. Bon, de l'intelligence qui a du cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est attendu, évidemment, par l'humain depuis plus longtemps que ça. Sauf qu'étant donné que l'humain vit dans l'émotion, l'humain ne peut pas parvenir à mettre de l'intelligence dans son émotivité, ou l'humain mentalise, donc exclut l'émotivité, ou l'humain émotivise, donc exclut le phénomène mental. Alors, on a les personnes qui seront émotifs, et on aura les personnes qui seront intellectuelles. Et on ne sera pas capable, clairement, de finir par comprendre que l'intellectualité peut avoir une correspondance émotive, qu'un artiste peut être un artiste en affaires. Et plus souvent, contrairement à ceux qui sont artistes, se font ramasser, alors que ceux qui sont en affaires sont difficilement capables d'apprécier esthétiquement certaines choses. On peut toujours le faire, mais on a des personnes d'affaires qui vont apprécier l'esthétisme d'une statue parce qu'elle vaut 20 000 piastres. Bon, mais ils ne pourront pas apprécier l'esthétisme d'une autre statue qui vaut 50 piastres. Bon, je connais quelqu'un, moi, qui... Hey, c'est beau, ça! C'est au prix que tu lui as payé! Ça, c'était clair. Alors, dans ce temps-là, c'est évident, quand tu as fait un cadeau, haute le prix, hein? Pourquoi qu'on haute les prix? Ça gagne de la valeur. Bon, sauf si évidemment, ça l'a vu chez Zalos avant toi. Bon. N'empêche que l'être humain, dans sa qualité émotive, le phénomène émotif, on a vu un peu les deux dernières semaines, que l'émotion était uniquement un facteur qui permet à l'animal humain d'évoluer, c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet la sécrétion d'endocrine. Si ça permet la sécrétion d'endocrine, ça veut dire que chaque fois que vous vivez une émotion, votre cœur va accélérer ou va ralentir, vous allez avoir des sécrétions... Vous allez transpirer, vous allez rougir, vous allez avoir une accélération du péristaltisme, donc on aura besoin d'aller aux toilettes où on se reconstitue pendant 2 semaines. On aura des sueurs chaudes ou froides, on aura les pupilles qui vont se dilater ou se contracter. Il y a effectivement une sécrétion endocrinienne qui fait que l'être humain reconnaît l'émotion. Donc, les personnes assises ici n'ont pas peur. Mais si leur cœur se met à accélérer, s'ils se mettent à transpirer sans savoir pourquoi, ils seront convaincus qu'ils ont peur, et là, le mental cherchera pourquoi ils ont peur. Alors qu'ils n'ont pas peur. Et bien souvent, c'est ce qui arrive, c'est que l'être humain est totalement pur, convenable et ça va, mais l'ego, le virus qui habite l'humain, l'âme qui est un virus finalement mémoriel qui habite l'humain et qui prend la place de la spontanéité, donc de l'instantanéité, eh bien ce virus, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va s'arranger pour forcer la conscience instantanée de chaque être humain à s'imaginer que c'est la conscience mémorielle qui est l'important. De ce fait, on aura théologiquement, tu dois aimer, disons, le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. Si le corps est le plus important, l'esprit le moins important, c'est placé par ordre. Si le corps est le moins important, quand je m'entends résonner, c'est parce que le son est trop fort. Je veux juste le dire là-bas. Là. Quand je m'entends parler, je n'aime pas ça, alors je n'aime pas ça. Là. Et si on considère que c'est par ordre, effectivement, d'importance, on aura le corps, l'âme, l'esprit. Donc, l'esprit en dernier. Le Nazaréen parle de l'Esprit Saint, intelligence supramentale. L'Esprit Saint, c'est l'énergie christique. Bon, l'Esprit pur, c'est un esprit non coloré par la mémoire de l'humain, donc non coloré par la mémoire expérientielle de l'humain. Tu peux aimer ton ennemi quand tu aimes de l'intelligence qui a du cœur. Parce que ton ennemi, tu n'es pas un ennemi, tu ne l'as pas en mémoire comme étant un ennemi. Tu es capable d'aimer la résonance immédiate de ce qu'il est, et non pas l'obligation de tout ce que traditionnellement, mémoriellement, tu as conservé de lui. Un ego, ça attire un ego. Fait que nécessairement, si tu l'aimes ou si tu le détestes, qui est de l'amour canalisé différemment, hein, on déteste souvent le plus qu'on a aimé le plus, on n'y arrive pas. Le Nazaréen parle d'esprit, alors que toutes les théologies, ainsi que celle du Nazaréen, enfin celle qu'on prétend, celle du Nazaréen, du Christ, la chrétienté, donc le catholicisme, on doit sauver son âme. Et on va même dire, quelqu'un fait de l'esprit, quand il est comique. Savez-vous qu'est-ce que c'est faire de l'esprit? Faire de l'esprit, c'est être capable de faire une farce, spontanément, à travers un événement qui se passe, à travers une parole que quelqu'un a dit, on en crée un jeu de mots, on est instantané, on est vivant, effectivement, fait de l'esprit. C'est pas un défaut, c'est une maudite belle qualité. Être capable de vivre et d'aimer vivre, faire de l'esprit. Mais là, on va même dire, il y a des esprits qui sont dangereux. J'ai vu un esprit hier. Ça, c'est un fantôme, pas un esprit. Ça, c'est l'âme. Alors, lentement, on déforme tout. L'être humain qui est capable d'aimer au-delà du facteur émotif va toucher à de l'amour intelligent. C'est un amour qu'il n'aime pas. Dans cet amour qu'il n'aime pas, l'être humain va passer différentes phases. On a effectivement chez soi des lecteurs, des sens vitaliques, pas des sens vitaux là, qui entretiennent la vie, mais reliés au corps vital. Donc, des sens vitaliques, dont l'intuition, dont le cumberlandis, dont la télépathie, dont la métagnomie, dont la psychokinésie, dont etc., etc. Bon, l'être humain qui sent que quelqu'un n'est pas correct, quelqu'un n'est pas transparent, il est opaque, c'est un hypocrite, mais il n'a pas les mots. Il ne sait pas que c'est un hypocrite. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Lui, il s'approche de l'amour sentimentique, sauf, donc, de l'arrêt du sentiment réel, non pas de l'amour psychologique, mémoriel et conditionnel. Sauf qu'au niveau de perception qu'il a et au niveau de décodage de la vibration qu'il a, ça devient un sens vitalique, qui est une perception endoformique, une perception énergétique, de la fausseté de l'individu. Autrement dit, il commence à être capable d'entrer en harmonique avec de l'esthétique humaine, sauf qu'étant donné que l'individu lui présente une fausseté, la personne aura l'impression, le sentiment que l'autre ment. Mais le sentiment... s'approche donc, effectivement, de l'amour intelligent. Le sentiment lui donne un paquet, on peut lui donner un paquet de définitions. Il y a le sentiment d'être... un sentiment amoureux qu'on pourrait avoir face à une personne ou à un événement. Mais un sentiment amoureux n'est pas une émotion. C'est un sentiment amoureux. C'est un sentiment mal canalisé, c'est un sentiment archétypé. J'ai la vibration, par exemple, je résonne bien avec une personne ici dans la salle, et archétypalement, c'est-à-dire que par des égrégores, je me fais instruire que tous les animaux humains qui ont résonné comme ça étaient en amour, donc ça veut dire fais la cour, puis rapproche-toi-en, gagne-la, achète-la, possède-la, puis contrôle-la. Bref, tombe en amour. C'est tombe. Bon. Sauf que quand je parle de néotype, une nouvelle forme, bien, on doit finir par instruire notre ego, c'est lui qui se fie aux archétypes, qui va être normal, qui veut se normaliser, qu'on doit être capable de rentrer en résonance, justement, avoir un sentiment d'amour pour quelqu'un. C'est un homme, t'es pas homosexuel, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est une femme, ça n'a rien à voir non plus si t'es un homme avec l'idée de vouloir la conquérir. On ne peut conquérir quelque chose de beau sans le détruire. Donc, ce qui va arriver souvent, c'est que les êtres humains vont être capables d'avoir un sentiment amoureux. Le sentiment va les énergiser et progressivement, on va les instruire de comment ils doivent bouger le sentiment. Et là, ils vont le démolir en impression émotive. Plus je les décode, plus j'ai vécu le sentiment amoureux, moins c'est le sentiment, c'est ma mémoire. Alors, je ne me nourris plus de l'individu, j'en ai besoin pour combler des trous chez moi. C'est l'ego qui s'est sentimental. À part de ça, pas de commentaire, ce que tu dis. Il y a le sentiment amoureux, comme on vient de décrire là. Il y a le sentiment aussi, comme tu disais tantôt, l'impression, qui est une perception de qu'est-ce qui peut arriver, une clairvoyance, ou on peut appeler ça autrement. Là. Oui, on peut appeler ça autrement. On peut appeler ça autrement. Comment tu appelles ça? Autrement, c'est un synonyme de clairvoyance? Oui. Ça, ce sentiment-là, est-ce que c'est toujours le même sentiment? On parle toujours du même... C'est... la même... Ce n'est pas, ce n'est pas la même valeur au niveau vibratoire, et ce n'est pas le même décodage, mais on se dirige encore à quelque chose de bien. Percevoir l'avenir, c'est uniquement être suffisamment... Ben, endoformiquement ajusté, mais là, en termes convenables... Peux-tu parler en français? Oui, c'est ça. Percevoir l'avenir, être capable d'avoir une clairvoyance, donc un sentiment de quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va arriver, parce qu'il y a énormément de futurs possibles. Ça veut dire qu'on perçoit quelque chose du genre. Percevoir l'avenir, donc être informé vibratoirement de quelque chose, c'est un rapprochement avec l'intelligence instantanée. Cela veut dire un rapprochement avec quelque chose de vibratoirement présent, immédiat, spontané. La préscience, le terme est plus exact. Quelqu'un qui est préscient, donc quelqu'un qui n'attache pas de valeur émotive à sa préscience. Si tu colores par une valeur émotive ta préscience, tu deviens clairvoyant. Tu peux te tromper, tu as quand même raison. Ça peut arriver ce que tu as vu. T'as pas raison. Hein? T'as pas décidé ce qui arriverait. T'as vu des choses. Je vois des nuages arriver, il va pleuvoir. J'ai pas question que j'ai raison. C'est des nuages qui pleuvent pas. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'individu est suffisamment vibrant, instantané, spontané. Ça se développe pas. Ça s'accepte. Comprenez bien le principe. Ça ne se développe pas. Ça s'accepte. Tu as dit qu'on l'a tous? Oui, on l'a. Mais on lutte contre. Bon, tu viens pour faire quelque chose de spontané, puis peut-être te planter là. Oui, ça ne se développe pas, ça s'accepte. Et s'accepter veut dire le laisser s'exprimer. Puis on ne peut pas décider de le laisser s'exprimer. Bon, ben tiens, je vais l'exprimer, on ne sera pas plus capable. L'idée, c'est que quand on le vit, on n'essaie pas de se pathologiser, de se rendre normal. En tout cas, on l'accepte. La personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est là. Et puis subitement, elle a l'impression, comme ça m'est arrivé aujourd'hui, j'ai eu l'impression, en remontant chez moi, que je ferais face à un accident, puis que l'accident serait en cours. Mais c'est une impression. Une automobile bleue qui capote. Tu sais, elle vient à peur de la route, elle vient une fois, elle la capote. Bon. Et en montant, à un moment donné, je vois effectivement au loin deux automobiles qui quittent l'autoroute 15. Ils rentrent un peu dans le champ. Il y a une grosse automobile blanche puis une petite rouge. Et la rouge, elle monte sur le capot de la blanche. Elle part des airs. Elle se ramasse le nez à terre. Elle revole complètement. Elle fait un tour complet. Elle tombe sur le côté. Elle a capoté trois, quatre fois deux tonneaux. Puis elle s'est ramassée carrément sur le toit. À force de capoter, tu fais une décapotable? Bien, là, elle était capotée. Plutôt. Alors, j'ai ralenti, même que j'étais juste parfait, parce que j'ai ralenti suffisamment au cas qu'elle finisse par aboutir devant notre chemin, parce qu'elle traversait le terre-plein complet qui est relativement large. Mais elle a eu la décence d'arrêter un peu avant. Bon. Je ralentis, ça a pris quelques 5 secondes, puis le gars, le chauffeur, est sorti par la fenêtre, puisqu'il restait de fenêtre. Puis l'auto fumait, puis bon, il avait mal à la tête. C'est quand même pas si pire, parce qu'il n'y a plus d'automobile du tout. C'était génial. Et le sentiment, qu'est-ce que c'est? La question que l'ego pose, est-ce qu'on a créé un accident uniquement parce que tu l'avais vu? As-tu causé l'accident? Ah, les égos, c'est imbécile. Bon. Les tixanes, qu'est-ce que c'est, les Romains Michel? Celui qui avait l'auto bleu, il s'en éclairait, lui. Oui, lui, c'est correct. Mais c'est parce qu'il l'a fait bâtir avant. Les tixanes, les Romains Michel, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gitans? C'est qu'ils prévoyaient des choses. Ils prévoyaient qu'il y avait une épidémie. Fait qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le roulotte, puis ça crée leur camp. Deux mois après, il y avait l'épidémie. Qu'est-ce que les gens disaient? C'est les maudits Romains Michel qui nous ont jeté ça. Bon. Alors, l'ego pose la même question. C'est pas ça. Est-ce que tu as prévu l'avenir? Une chance sur 1 million? Ça se peut. Ça se peut que non. On n'a rien à faire avec ça. L'idée, c'est pas de savoir qui on est, puis est-ce qu'on est meilleur, parce qu'on a d'avoir un don. T'acceptes les choses comme elles sont. Le gars t'es pas trop blessé, ça va. Puis tu continues après. Bon. La perception, qu'est-ce que c'est? C'est que tu es en harmonique, en résonance, avec tout ce qui se passe dans un certain territoire d'événements. On pourrait l'être au niveau planétaire, au niveau cosmique, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez ceci. Présentement, ce qui se passe dehors, ça crée des remous. Il se passe des choses. Il y a on peut prendre des photographies. Il y a chaque particule atomique émet des vibrations, c'est calculable aujourd'hui. Le déplacement d'une automobile sur l'asphalte dans une certaine condition en partie de climatologie engendre des remous particuliers dans l'atmosphère. Tout ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe au Canada ou sur la planète Terre crée des remous. On appelle ça un événement majeur. Il y a des événements qui sont fixes, il y a des événements qui sont mobiles, il y a des événements qui sont mineurs, et tout ça au complet, ça crée un écosystème événementiel, un événement majeur. L'être humain est toujours et continuellement en vibration avec ce qui se passe. Sauf que l'être humain n'a pas la capacité encore de décoder ce qui se passe. Mais de temps en temps, selon son alimentation, son sommeil ou sa fatigue, selon quelque chose qui fait qu'il est dit légèrement différent à ce moment donné-là. Il décode et il y a un interpréteur qui va essayer d'interpréter pour que la conscience de l'ego puisse vivre la petitesse de l'information. Autrement dit, quand l'ego vit de l'expérience, ça frappe. Alors, on le voit avec les yeux, on voit des sens qui sont violents. Hein? Ça amène de l'information rapide. Mais tout l'extérieur en amène de l'information. La Lune crée des marées humaines. On a énormément d'eau dans le corps physique. Quand la Lune est à un certain niveau, elle crée une marée. Même le sol vit des marées géologiques, à peine calculables, à peine perceptibles. Il y a des marées. Un édifice s'étire vers la Lune et se tord. Il y a des marées. L'humain vit un paquet d'influences comme ça, mais il ne le décode pas. Quand, bon, au niveau de la Lune, par exemple, au niveau aqueux, quand un être humain est super heureux, dans des contextes particuliers, pleine Lune, par exemple, il sera plus heureux. Il est déprimé, il sera plus déprimé. Alors, on aura plus de suicides, on aura plus de problèmes. L'accouchement, il y a des marées. Ben, ça démarre. Et on a beaucoup plus d'accouchements au niveau des pleines lunes. Ça, c'est statistiquement évident. C'est refusé scientifiquement. Pourquoi? Parce que la science accepte ce qu'elle explique. Mais c'est pas mauvais non plus qu'elle accepte ce qu'elle explique, mais elle ne devrait pas refuser ce qu'elle explique pas. Bon, en tout cas. Et l'être humain qui, maintenant, perçoit tout ce qui se passe autour de lui, arrive, dans certains cas, à décoder cela. Donc, il est en amour, en relation énergétique, en symbiose et en symbiose énergie, avec son environnement. Et subitement, c'est décodé. Là, il a un flash, une vision. Une vision de quoi? De tous les automobiles qui se déplacent, de tous ceux qui s'en viennent par ici et par là. Et nécessairement, on peut s'attendre à ce que dans cette vision-là, il y ait l'extrapolation mathématique, un avenir possible d'un accident, de quelque chose. Ta grand-mère, elle s'en vient te voir. Elle va arriver dans 3 semaines. Mais là, elle a déjà l'idée dans la tête, elle a préparé ses bagages. Puis subitement, tu es en harmonie avec ces choses-là, puis là, tu as la fausse totale, elle vient chez vous. Bon. C'est un cauchemar, ça. C'est pas une perception. Ben, c'est un cauchemar parce que tu pars en vacances, puis tu ne peux pas la voir. C'est le temps qu'elle va être là. Et ça, c'est l'explication au niveau du sentiment, un pressentiment, on dit pressentiment. Qu'est-ce que ça veut dire pressentiment? Ça veut dire que je le sens avant de le sentir. Bon, une prescience, c'est que je le sais avant de le savoir, mais dans le sens connaître. Je le sais instantanément avant de l'expérimenter. Parce que savoir, ça, c'est de l'émotion, c'est suffisamment instantané. Quand vous posez la question, je sais que je vis, je connais Montréal. Je ne sais pas Montréal. Je ne connais pas que je vis. La connaissance implique l'expérience, l'apprentissage, le vécu. Le savoir implique l'instantanéité. Je n'ai pas appris cela, je le sais. Alors que le reste, on l'apprend, donc je connais Montréal, je te connais. Oh, je connais cette personne-là. Au niveau énergétique, le titre de la conférence étant que l'émotion, il y a une émotion, il y a quelque chose de plus fort énergétiquement que l'émotion. On a parlé un peu la semaine dernière des chakras. L'émotion, ça se relie à un chakra. Est-ce que le sentiment est relié à un autre chakra ou est-ce que c'est au même? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 7 chakras principales chez l'humain. Chakra est relié à des processus d'énergie particuliers. L'animal humain vit l'émotion, et les animaux vivent l'émotion, le chien, le chat, le loup, n'importe quel animal, de toute façon, qui côtoie un peu trop l'humain, devient astralisé, devient émotivisé. Donc, ils sont capables de hurler à la mort, de souffrir, de se suicider, et si la personne s'en va, bref, il va découvrir l'amour humain, donc la souffrance humaine. Il y a des chakras, des scarfos d'énergie, des centres d'énergie qui vont... L'humain est totalement constitué d'énergie, donc il y a des capteurs, des centres d'énergie, entre autres, il y en a 63... sur l'être humain, entre autres, secondaire, bien, il y en a 7 principaux, il y en a un peu plus que ça au niveau tertiaire. Il y a des centres d'énergie qui puisent l'énergie pour construire l'humain, et ils le puisent à même le sol. Donc, les animaux seront végétariens, ou les végétaux seront totalement plantés. Ils prennent de l'énergie tellurique au niveau du sol, ils ont un peu besoin d'énergie solaire, celle du soleil. Ce qui arrive, c'est que l'animal aura une vision de l'amour qui sera une vision de puissance, de pouvoir. Et là, longtemps, l'être humain, l'animal humain a eu la même chose, c'est-à-dire que la femme dominait l'homme, disons, par en arrière, puis l'homme dominait la femme par en avant. L'homme dominait la femme en la battant, en la traînant, en la soumissant sexuellement, etc. Par contre, la femme fait dominer l'homme en exigeant des choses de lui, en tout cas, il y a un paquet de choses que la femme va dire, puis elle va manipuler, elle va lui dire de se battre contre telle tribu, elle va le faire entrer en guerre. Les deux se manipulent. Mais ça, c'est la vision de l'amour qu'on a chez l'animal, une vision de pouvoir. Alors, le loup, même chose, le jument, l'étalon, même chose, toujours une question de pouvoir, sa façon d'aimer. À un moment donné, il y a d'autres chakras qui commencent à s'ouvrir, surtout chez au niveau de l'animal humain, et ces chakras-là vont être surtout au niveau du nombril, au niveau du centre cardiaque et au niveau du centre laryngé. Donc, vu qu'on a au niveau du centre, au niveau du nombril, ce qui va arriver, c'est que l'individu va commencer à aimer surtout sa progéniture. Au niveau du centre cardiaque, il va être capable de faire un mélange entre de l'amour intelligent et de l'amour animal. Alors, maintenant, il vivra son émotivité, surtout au niveau du centre cardiaque, qui est le typhus, au niveau des glandes endocrines, et il aura toujours l'impression que le cœur va devenir le siège de l'émotion ou de l'amour. Le cœur, c'est la pompe qui pompe le sang. Dans le sang, il y a des hormones sécrétées par l'expression de l'âme dans le corps physique, mais c'est surtout au niveau de ce qu'il ressent là, et il dira donc « j'aime, je n'aime pas ». Jaillit. La haine se sent là, l'amour aussi. Au niveau du centre laryngé, il va maintenant avoir une correspondance plus vers l'intelligence et il sera capable maintenant de phraséologiser son amour. C'est plus « je couche avec à même, je la bats à même, je lave son linge, j'y même », etc. On aura maintenant besoin, on sera capable de mettre en mots une correspondance au niveau de l'amour. Cela va donc dire qu'on va être capable maintenant de créer de la poésie au niveau de l'amour, de la philosophie, des chansons et une façon de se faire la cour qui maintenant demande de la parole en plus d'être le geste. Tu arrives, tu es totalement le mâle viril que la femelle veut avoir, c'est réglé. Tu as l'odeur, tu as le corps physique, etc. Dans l'évolution, à un moment donné, la femme ne veut plus cela et l'homme ne voudra pas uniquement une femme qui a des seins et des fesses. Bon, il y aura une communication et on devra s'acheter par la parole, vibrer au niveau du centre cardiaque. Et par la suite, ça pourra revenir au centre sexuel. Bon. Donc, au niveau des chakras, le processus part d'en bas, il devient vertical et horizontal, il monte lentement vers le haut. J'ai souvent dit que l'évolution de l'homme, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, se fait maintenant du haut vers le bas, et non plus du bas vers le haut. Alors, dans l'Antiquité, on avait le yoga tantrice, entre autres, l'énergie sexuelle, le dernier, le Mooladhara chakra, le plus bas des chakras, c'est le cas de le dire. Bon, c'est sûr, les yogis se mettent ça à la tête, c'est plus haut, là, mais en tout cas, c'est plus bas pareil, bon. Et l'énergie part d'en bas et monte lentement, ouvrir d'autres chakras, ou les faire tourner dans un sens plus écologique, jusqu'au centre coronal. En montant, il ouvre donc le centre cardiaque. Maintenant, ce qui arrive, c'est que depuis déjà longtemps, la majorité des êtres humains, donc des corps physiques animaux humains, mais habités par des êtres humains, hein, l'homme ou la femme qui veut se contrôler et qui se ramasse encore, il y a un facteur animal humain, génétique, etc., réincarnationnel en plus. Alors, on en arrive à une vision tout à fait nouvelle de l'amour, qui est celle de l'intelligence qui a du cœur. Pourquoi l'être humain aujourd'hui essaie-t-il d'intelligencer son émotion, c'est-à-dire de rendre intelligent l'émotion? C'est justement parce qu'il vit le bas et le haut en même temps. Actuellement, depuis quelques milliers d'années, mais quand même, disons, actuellement, l'être humain est dans une phase de transition. On est à l'adolescence de l'humanité. Alors, nécessairement, il y a une crise d'identification suprême. Avant, c'était simple, on était un enfant. Prochainement, ça va être simple, on va être des adultes. Mais pas des adultes comme on en rencontre aujourd'hui, là, mais je fais un parallèle. Et entre les deux, on est des adolescents, c'est-à-dire qu'on est des enfants qui ne veulent pas être un adulte, des adultes qui ne veulent pas rester des enfants, donc des enfants qui veulent devenir des adultes qui veulent rajeunir. Et tout ça au complet, c'est tout mélangé. L'être humain, présentement, vit son amour. D'une façon, on a essayé de la mettre spirituelle, on a essayé de la placer sur plusieurs niveaux. Il essaie de l'intelligencer. Alors, à un moment donné, dernièrement, je faisais une conférence, réservé à des séminaristes, et je pose la question à un homme, je lui dis, toi, est-ce que tu as énormément besoin de relations sexuelles? Oui. Bon, es-tu fier de ça? Non! Pas ni en maudit. C'est ça. Il a maintenant suffisamment d'intelligence pour être capable de se rendre compte que merde, ce que de dire, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Alors, du moment qu'il aime une femme, à un moment donné, il est obligé de la bafouer. Il n'aime pas. Il est extrêmement, bon, c'est souffrant, sauf qu'en même temps, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'on approche d'une vision qui va finir par se cellulariser, donc par appartenir à l'humain et au corps de l'homme, de la femme. L'animal va mourir, restera l'être humain, où on ne sera plus manipuler, à continuellement partir d'une relation énergétique, la transformer en émotivité, de façon à la canaliser endocrinalement. La relation sexuelle, c'est effectivement un facteur endocrinien. L'émotion animale est reliée au plan astral, à l'astral? L'émotion animale est reliée au plan vital. L'émotion humaine est reliée au plan astral, donc au plan de la psychologie. Puis le sentiment, lui, est relié à quoi? Au plan de l'intelligence, donc au-delà du mental, donc au phénomène supramental. Puis le plan bouddhique, il amène quoi? Bon. Est-ce qu'il amène le sentiment aussi? Comprenons-nous, il y a le plan matériel, animé par de la vie, le plan vital, mémorisé en tant qu'existence, le plan astral d'ego, je pense, donc je suis. C'est une fausseté, je pense, donc j'étais, mais quand même. Et par la suite, il y a le mental, les plans planétaires. Expérience extraplanétaire, donc mécanique créée non pas par l'expérience de l'être humain sur le plan planétaire. On a l'intelligence active, alors que l'intelligence passive, c'est notre façon de penser. C'est passif, ça dépend de ce que l'on a appris. Tu ne peux pas penser en hébreu, tu n'as pas appris l'hébreu. Intelligence passive. L'intelligence active, c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence supramentale. C'est ce que dans l'antique, dans les anciennes théologies, on l'appelle l'Esprit Saint. L'énergie christique au niveau de la chimie. Donc, intelligence. Par la suite, il y a ce que, ésotériquement, on appelle le plan bouddhique. C'est le plan de la gratuité. Ce n'est pas le plan bouddhique. Par contre, on considère ésotériquement que Bouddha est parvenu là. Donc, plan de la gratuité. Il n'y a plus de raison pour faire. Et le plan qui suit, qu'on appelle le plan divin, le septième plan, ce n'est pas un plan divin, c'est le plan de l'intentionnalité. Bon. L'être humain, il a les cinq plans, c'est-à-dire les quatre plans planétaires, donc on en est jusqu'au mental. L'intellect, c'est le mental naissant, mais totalement assujetti à l'ego. Donc, tu as peur, ton intellect te crée une arme, puis ton ego s'en sert. Bon. Tu désires des choses, ton intellect crée des usines, puis ton ego s'en sert. Donc, ça pollue, ça devient inconséquentiel par la suite. Le mental, c'est lorsque on est capable d'intelligencer les choses. Cela veut dire qu'on est capable de considérer qu'une chose est stupide, même si on ne peut pas s'empêcher de la faire. On sait qu'on pollue, avec notre automobile, on n'a pas le choix, mais c'est con. Ben, le mental travaille, puis l'ego continue à nous empêcher de bouger, mais quand même, on avance. L'intelligence, elle est capable, elle, de faire en sorte que l'être humain devienne totalement conséquentiel. L'intelligence, vous en avez tous, ça vous permet de savoir, donc pas besoin d'apprendre, de savoir instantanément ce que vous avez besoin de savoir lorsque c'est nécessaire, mais évidemment en fonction du fait que l'ego ne doit pas toujours oblitérer, donc rendre obscure l'intelligence. Je sais que je ne dois pas faire ceci, ou manger cette cochonnerie, ou aller à telle place, mais je le sais juste pas assez, je veux pas le savoir, puis j'y vais. Puis après, ben là, je peux me culpabiliser, puis regretter, là, bon. Mais après, c'est pas l'intelligence qui vient nous instruire. C'est l'ego qui a mémorisé le message de ton intelligence. C'est lui qui dit. Qui vient te dire après ça, le gars, c'est pas ça qu'il fallait te faire. Je le savais. Ouais. Pourquoi suis-je si faible par la suite? On n'est pas faible, on est en croissance, on est en formation. C'est qui dit pourquoi suis-je si faible? Ben, c'est l'ego qui est broyant, l'ego qui vit de médiocratie. L'ego qui se prend pour le mental. Bah oui, puis l'ego, c'est ça. Puis l'ego qui se prend en même temps pour rien, qui se prend pour tout, puis qui ne sait plus. Paquet de parties d'ego. L'intelligence, ça va faire en sorte que vous allez vous-même devenir vos seuls maîtres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aurez pas de questions parce qu'à l'instant où une question pourrait germer, il y a la réponse. Mais la problématique au niveau d'ego, c'est qu'il n'y aura pas de réponse claire comme je l'ai dit. Ce n'est pas une réponse par parole. Vous allez savoir que c'est par là que vous devez aller. Pourquoi? Parce que c'est par là qu'il faut aller. Ah, donne-moi une raison. C'est parce qu'il faut pas aller par là. Non, mais quelque chose de concret, là, tu sais, là, de... Je vais par là, puis je vais par là. Il n'y a rien. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que l'humain qui essaie de se normaliser, l'humain, l'ego qui essaie de dire, écoute, ben, là, avant que je te fasse confiance, tu sais, que soyons terre à terre. Ça, c'est astral, astral. Soyons expérientiels. Quelle preuve as-tu que c'est par là? Mais il n'y en a pas. Ça, c'est un sentiment? Le sentiment, c'est que tu sais. Puis là, ton ego, il récupère. Le problème, c'est ça. C'est que l'humain a de l'intelligence, mais elle n'est pas encore suffisamment acceptée. C'est, on ne développe pas, on accepte. Elle n'est pas suffisamment acceptée, donc l'ego n'est pas encore suffisamment confiant. Vos égos ne sont pas encore suffisamment conscients dans votre faculté de ne pas vous tromper. Autrement dit, vous ne vous faites pas confiance. C'est un terme plus. Mais en réalité, l'ego est très différent. Hein, c'est l'animal, c'est le virus de l'intelligence chez l'humain. Le plan bouddhique, qu'est-ce que c'est? Le plan bouddhique, c'est quelque chose qui non seulement va vous amener, non seulement va laisser l'intelligence, donc votre esprit, vous, et pas l'ego, pas la mémoire, et là on se dit, oui, mais c'est facile de dire, nous, pourquoi que c'est pas là? Le corps physique n'est pas capable encore de le supporter, c'est simple. Vous pouvez apprendre les mathématiques, c'est complexe, c'est ça, le cerveau pas prêt. Mais dans 20 ans, vous serez un super mathématicien, une super mathématicienne, c'est ça, le cerveau est prêt. On est là. Le corps dépend, donc c'est pour ça qu'on a de l'émotion, le faire évoluer, mais à un moment donné, il faut qu'on le fasse évoluer énergétiquement. L'intelligence, vous, on va dire l'esprit, force votre ego, donc l'esprit vous force, vu que souvent les égos sont à l'écoute, à faire quelque chose, mais c'est souvent bête, stupide la façon dont c'est fait, c'est-à-dire que c'est efficace. Et l'efficacité dans le règne de l'humain est toujours désastreuse. On a inventé les polyvalentes, les industries où on fait rentrer les enfants d'un bord puis on sort des êtres supposément perfectionnés de l'autre côté. On vise l'efficacité, on déshumanise, c'est inesthétique pour l'humain. On a des industries super efficaces, l'excellence avant tout, le résultat, copions les Japonais qui ne pensent qu'à copier les Américains, qui ne pensent qu'à copier les Japonais. L'efficacité problématique. L'intelligence viendrait bannir toutes les consommations de pétrole en termes de combustible, toutes les conservations de fossiles, donc de charbon. Toute pollution serait éliminée, raide là. Pollution par le bruit, pollution par l'astral, pollution par les phénomènes chimiques, toutes les formes de pollution. Qui crée une déstabilisation dans l'écosystème planétaire. Si c'était seulement l'intelligence... On s'ouvrait très loin. L'intelligence, elle nous ramasserait loin. Ça serait pile. On aurait de gros problèmes. Parce que notre ego, parce que l'astral planétaire est là et lutte contre l'intelligence, nous sommes encore capables de voir l'intelligence à dépolluer, mais l'intelligence n'étant pas suffisamment puissante pour nous obliger à cesser de polluer, ça nous donne un laps de temps esthétique pour être capable de trouver des palliatifs à nos besoins qui ne pollueront plus parce que veut, veut pas, on va vers l'intelligence. Le plan bouddhique, le plan de la gratuité, l'avantage qu'il amène à l'humain, et c'est là que l'intelligence commence à avoir du cœur, parce que l'être humain est émotif. S'il souffre de vos problèmes, il voudra vous aider. S'il n'en souffre pas, mais alors, vous n'avez pas de problème, c'est dans votre tête. Alors, l'être humain, présentement, doit souffrir d'un phénomène pour bouger vers le phénomène. Une raison intelligente ne le fait pas bouger, il aura besoin d'une raison émotive, gastrique, intestinale. Bon. Lorsque l'être humain va vers l'intelligence, il se mentalise et il n'a pas la faculté à ce moment donné-là. Il pourrait l'avoir facilement, mais disons qu'il la refuse normalement, mais après, plus c'est connu, plus il l'aura. Il bannit la manipulation par l'émotivité, alors il bannit tout ce qui fait partie des mécaniques qui amènent l'émotion. Donc, il bannira la perception sentimentique. C'est extraordinaire, hein, le paysage. Extraordinaire, c'est ton négro qui parle. Ça, c'est le conscientisé moyen. Bon. T'as-tu aimé le film? Aimé le film? T'es à ce niveau-là encore? Ça, c'est le conscientisé moyen. Qu'il n'est pas capable, et puis à un moment donné, il trouve même stupide les caves, là, qui aiment encore la vie, malgré tout ce qu'ils savent. Oui, mais la vie, là, il y a bien d'autres choses qu'on ne sait pas. Puis quand on commence à toucher à ça, là, on a des vraies raisons d'aimer la vie. Ils n'ont pas personne, là, puis ils l'aiment. Quand les raisons fausses d'aimer la vie tombent parce que l'intelligence commence à t'instruire, il n'y a plus de raison d'aimer la vie, là. Mais on doit, à un moment donné, tu vas être capable de conscientiser que c'est sur 500 ans minimum que tu vas préparer ta vie. L'humain, il disparaît pas après, puis c'est capote. Mais l'ego n'a pas de preuve de ça. Il en veut, par exemple. Il dort avec la réincarnation ou la résurrection, là, la foi. Là, ce qui arrive, c'est que l'intelligence, par le processus du mental, commence par détruire tous les raisonnements de l'ego. Et ça place l'humain sans béquille dans une phase assez instable. Le plan de l'intelligence t'amène de l'information rationnelle et radicale. Dans le sens, il n'y a pas de temps. Tout est déjà accompli. Alors, on est ici pour quoi? On est ici pour l'accomplir. Oui, mais c'est déjà accompli, exact. C'est une illusion. C'est quoi le rôle de l'homme? Détruire l'univers. Ben oui, non, il paraît qu'il faut retourner vers Dieu à place. C'est ça, détruire l'univers. Quand tout va te retourner vers le Créateur, il n'aura plus de création. C'est ça. L'intelligence te le donne direct. Et l'ego, là, oh, une minute. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu as tellement de poids au niveau de ton mental que l'ego ne peut plus rien dire. L'ego peut souffrir, c'est tout. Parce que le mental n'arrive pas à trouver d'autres choses, le mental souffre, l'ego souffre, l'humain souffre. L'intelligence, quand elle commence à toucher au plan bouddhique, au plan de la gratuité, donc elle commence à avoir un esthétisme, l'intelligence commence à avoir du cœur. Là, ça veut dire que tu es capable de parvenir à néotyper. Et néotyper est un mot extrêmement important. Créer de nouvelles formes, ça veut dire quoi? Je disais à un moment donné, moi, que chaque fois que... Bon, à un moment donné, quand j'étais jeune, je me berçais comme ça sur ma chaise régulièrement. J'écoutais la télévision, on me promenait. Bon. Et à l'école, souvent aussi. Jusqu'à temps que le professeur me donne des copies, ben j'arrêtais. Puis quand le professeur me le tournait, je recommençais. Bon. La majorité des personnes vont... Ouais, je suis pas normal. Bon, fait que t'arrêtes de le faire. Moi, j'en faisais une technique, puis je l'enseignais. À blague. Bon. Chaque fois que j'ai découvert chez moi une anormalité particulière, je vérifiais pas si les autres l'avaient, je vérifiais si ça m'amenait à quelque chose. Ça amenait quoi, de te balancer comme ça? Ben, ça amenait un réchauffement cérébral. Par la suite, on peut expliquer avec le pompage de sacré, c'est-à-dire que, comme la marche fait pomper le bassin, hein? Puis une personne qui marche, elle a les idées plus claires, une personne qui est assise, c'est complexe. Et c'est ce qui arrive simplement, c'est que tu fais juste bouger ton bassin, donc tu accélères la circulation du liquide céphalo-rachidien, ça nettoie le cerveau, ça le refroidit. La technique Nado, c'est ce qu'elle fait. Tu fais des paquets de bebelles qui accélèrent la circulation, ça rajeunit, ça fait plein de choses, c'est intéressant. Mais moi, j'avais un résultat. C'est comme une personne, elle se dit, oui, mais j'ai souvent besoin de courir, me défouler. C'est-tu normal? Mais non, prends du café à la place, ça c'est normal. Néotypé, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire être capable de conscientiser chez soi ce que vous faites. Est-ce que ça amène de quoi de convenable? Non, faites-le plus. Oui, mais si je le fais plus, la normalisation, ça vous amène rien de bon? Faites-le plus. Ah, mais c'est-tu normal? Non! C'est naturel. Et un être humain naturel est unique. Un être humain normal, on en trouve partout. C'est pas normal. Oui, mais je fais telle chose, puis ça m'amène quelque chose de bien, mais je me demande si c'est correct, si c'est... Oh! Quand vous déjeunez le matin, mangez-vous du steak, de la crème glacée ou des céréales? Moi, je mange du steak, mais personne ne sait parce que c'est ça. Ton corps physique a besoin de steak ou de crème glacée. Ah, oh, ben, il y a peut-être besoin de lait, du fromage, je pourrais s'en contenter aussi. Mais on a un stéréotype. Après avoir passé le souper, avoir passé la soirée à travailler souvent, on se couche même tard, toute la nuit, on se fait charrier par l'astral en y rêve et puis finir, puis le matin, on mange un verre de jus, une pomme, puis un petit morphine. Voyons alors. Le déjeuner, on a jeûné pendant combien d'heures? Puis on va se gaver à la fin pour passer la nuit, mais en tout cas, bon. Ça dépend des corps physiques. Ça dépend aussi des philosophies, là, mais ça dépend des corps physiques. Moi, je dois passer la nuit à manger le matin, je mange du dessert. C'est ça. Il reste 5 minutes à manger après. Caché de tes enfants, j'espère. Alors, ce qui arrive, l'être humain, dans toute la mécanique, doit néotyper. Néotyper, ça veut dire que chaque fois que l'intelligence commence à venir, on a une intelligence bouddhique, donc une intelligence qui a du cœur, on va être capable de vivre d'une forme d'amour, mais au-delà de l'émotion, donc un amour qui n'est pas émotif. Pourquoi? Parce que, et ça seulement, si on est capable d'accepter des néotypes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je vibre à quelqu'un. Ouais, mais là, c'est pas correct, là, tu sais, je suis marié. Ça, c'est l'archétype. L'animal humain, première relation qu'il a, elle est vibratoire et il l'amène vers la sexualité. Tu es même pas marié, disons, tu es en harmonie vibratoire avec un individu, marié énergétiquement. Que ce soit papier ou pas, marié énergétiquement. Puis là, tu commences à avoir une vibration pour quelqu'un d'autre. Néotype, cesse de te laisser diriger par l'archétype. Oui, mais là, c'est en harmonie vibratoire avec quelqu'un. Avez-vous le droit d'aimer d'autres personnes que votre mari ou votre femme? Bon, mais légalement, je parle cosmiquement, intelligemment. Bon, êtes-vous capable d'entrer en résonance vibratoire avec l'enfant d'un autre? Mais l'humain se l'interdit parce que l'archétype vient te dire que ça ne peut pas se faire parce que ça mène toujours là. C'est ça, il faut néotyper. L'intelligence, qu'est-ce que c'est? L'intelligence, c'est une vision d'une chose, et puis le plan bouddhique te permet de revivre toutes les stimuli énergétiques que tu as connus à l'époque d'animal, mais maintenant, tu seras capable, par l'intelligence, d'en donner une valeur neuve, néotyper, créer une nouvelle forme, qui va te permettre d'aller là, vers ce que l'ego attend depuis tellement longtemps, mais n'y crois pas, parce que danger. Si ça commence à arriver, il devra changer. Donc, se dissoudre, devenir d'autres choses. Alors, l'être humain, le plan bouddhique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'on a de revivre l'esthétisme de différentes choses. Alors, entre êtres humains, à un moment donné, on commence à se retrouver. Mais ça va engendrer des phénomènes intéressants où, subitement, on va avoir l'impression que ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais là... Ça, c'est un sentiment aussi. Eh oui, c'est un sentiment, mais c'est de l'amour intelligent, d'être capable de reconnaître que ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est de l'amour intelligent, ce n'est pas de l'amour émotif conditionnel. On peut le tuer puis en faire de l'amour conditionnel. Alors, bon... Dans l'amour intelligent, ma femme me pose la question, puis elle me dit, est-ce que tu m'aimes? C'est une question astrale, ça c'est son amour conditionnel. Je réponds oui. Bon. Là, elle sait en même temps ce que ça veut dire. Là, elle dit, oui, je le sais. C'est pas ça que je veux qu'il me réponde. Bon. Même plus que les autres femmes. Non. Je ne sais pas comment les autres femmes t'aiment. Alors là, il y a un maudit problème. Parce qu'archétypalement parlant, si un homme aime une femme, ça veut dire qu'il couche avec, ça veut dire qu'il partage un logement avec, ça veut dire qu'il fait des plans d'avenir avec, ça veut dire que... Mais là, il aime un petit plus que les autres femmes. Non. Un petit plus que les hommes. Non. Bon, même un petit plus que les hommes des goûts. Non. Non, mais tu m'aimes pas ben. Oui. Oui, mais tu me le prouves jamais. J'ai pas besoin de te le prouver. Je le sais que je t'aime. Mais elle sait pas. Si tu lui dis pas, si tu l'aimes autant que les rats des goûts, là... Elle ne le saura jamais tant qu'elle va être placée au niveau de l'amour conditionnel. Achète-lui des cadeaux, puis passe un mois sans y en acheter. On va poser la même question. Et vice-versa, pour l'homme, on parle de la femme, parce que je suis un homme, là. Mais c'est la même chose. Bon, la femme, elle va donner. Essayez de faire certaines choses de temps en temps à votre mari ou pour votre femme. La question se pose immédiatement. Ah, il y a quelque chose d'autre, hein? Il y en a un autre. On est confronté. L'être humain est une sphère d'énergie. Et comment tu peux aimer autant un rat d'égout? C'est facile. L'être humain est une sphère... Facile. Elle parle de la femme que ça. L'être humain... Ou du rat d'égout, remarque bien. L'être humain est une sphère d'énergie. Et c'est ce qu'on doit comprendre, parce que sinon on va très mal canaliser le phénomène de l'amour. L'être humain est une sphère d'énergie. Il doit ramasser de l'énergie pour pouvoir grandir. Quand on est en amour vibratoire avec quelqu'un, on ramasse de l'énergie. On en donne aussi. Mais ce que l'on donne, c'est un rayonnement. Donc, on n'en perd pas à en donner comme cela. Et ce que l'autre amène, ça nous grimpe, ça nous énergise. Mais là, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'on se fait tellement énergiser par le contact d'une personne que l'ego, qui s'accapare de l'expérience, décide de se la monopoliser. Mais à un moment donné, tout ce que l'autre a à nous amener pour nous monter là, elle nous l'a amené. Mais la voisine ou le voisin lui a de l'énergie qui nous manque pour grimper, pour bouger un autre facteur de notre sphère d'énergie. Alors, là, la problématique, c'est que si la relation énergétique, l'amour intelligent, l'amour réel, est uniquement canalisée vers un individu, ben, c'est pas long qu'il n'y a plus la relation énergétique. Parce qu'il n'y a plus la relation énergétique après un laps de temps, l'ego ne sait même plus si on s'aime. Alors là, maintenant, j'ai eu le coup de foudre. Avant, j'ai eu le coup de foudre avec ma femme, puis maintenant, j'ai appris à l'aimer, tu sais. C'est-à-dire que maintenant que la relation énergétique semble disparaître, astralement, on va s'aimer. Oui, mais tu me manques. J'étais tellement expérimenté que quand tu n'es pas là, il y a une partie de mon ego, de l'expérience que j'ai de toi qui meurt. J'ai au moins ta photo, j'ai ton chandail pour dormir, j'ai, bon, des choses. Alors, là, on a un amour astralisé. Là, c'est de l'amour conditionnel. Ma cicatrice. Oui. Pourquoi c'est un amour conditionnel? Parce que vous avez juste à vous teindre les cheveux en vert, puis la personne qui vous aime va vous aimer, mais pas comme ça. Bon, conditionnel, gardez la forme que vous avez, c'est d'elle que je me nourris. Mais là, ce qui arrive, c'est parce que l'humain n'a pas compris le processus. Il ne peut pas le comprendre. Mais l'amour intelligent ne fait pas en sorte que tu sautes d'homme ou de femme en femme ou d'homme en homme. Ça n'a rien à voir. La seule chose qu'il y a, c'est que plus un être humain est libre, plus il a la capacité d'aller chercher de l'énergie. Ma femme, elle est depuis 2 mois en Jamaïque. Bon, je ne m'ennuie pas. Elle s'ennuie un tout petit peu. Bon, ça va, mais ça va bien. Elle n'est pas revenue. Là, 5 ans, ça fait longtemps qu'elle est revenue. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'elle étant capable continuellement de faire ce qu'elle veut, comme d'ailleurs à la maison, elle est libre, je suis libre. Quand je la revois après une journée, après une semaine, après 2 mois, parce qu'elle est allée ailleurs, si par exemple ma femme décide de sortir avec n'importe quel homme ici, quand on parle sortir, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de la maison avec lui, pas aller coucher avec. Ça, c'est rentrer. Bon, elle sort avec n'importe quel homme ici, elle va se promener, et quand elle revient le soir, bien, elle s'est nourrie de l'énergie de l'homme. Alors, elle n'est plus la même, ce qui fait que moi, je peux maintenant me nourrir de ce qu'elle est. Et parce que moi, je suis libre aussi, quand je reviens à la maison, je suis pétillant. Elle s'en nourrit. Pendant 50 ans, 60 ans, 200 ans, 500 ans, jamais il n'y aura de raison intelligente de vouloir vivre avec une autre. Mais je pourrais rencontrer d'autres personnes, hommes, femmes ou enfants. Mais quand je viens à la maison, jamais je suis plate. Tu as l'air d'un vampire quand tu dis ça de même. Se nourrir de l'énergie des autres. Non. Se nourrit bien des aliments, se nourrit bien de l'air, tu respires de l'air, tu la rejettes, l'air, les plantes s'en servent, la restructure, l'oxygène revient. Il n'y a pas question de vampire, question de faire circuler. Tout ce que vous rayonnez, pourquoi je ne pourrais pas m'en servir? Puis tout ce que je rayonne, pourquoi vous ne pourriez pas vous en servir? Parce que vous n'êtes pas ma femme, vous n'êtes pas mon mari, parce que je ne vous connais pas, parce que c'est les archétypes. L'animal humain, c'est dangereux. Je sais qu'un homme qui, à un moment donné, se nourrit moins de sa femme, s'il se nourrit plus de notre femme, va finir par aller la têter de A à Z. Et je sais qu'une femme qui ne se nourrit pas affectivement d'un homme, qui ne s'en nourrit plus, risque de mettre son dévolu ailleurs, puis d'aller se nourrir ailleurs. Mais uniquement, pourquoi? Uniquement parce qu'on décide, dans l'amour émotif, dans l'amour psychologique conditionnel, que maintenant que je t'autorise à te nourrir de mes énergies, si tu m'autorises à me nourrir des tiennes, et si personne d'autre s'en nourrit. Mais tant qu'il va y avoir de l'ego dans l'humain, ça va encore rester problématique. Tu ne peux pas faire ça. Oui, ça sera problématique. Sauf l'ego. Oui, ça sera problématique. Mais on a de plus en plus suffisamment de capacité d'intelligence et des choses pour pouvoir instruire l'ego de la positivité de ce que nous faisons. Lui-même, l'ego va s'en nourrir. Mais l'ego, le problème de l'ego, pourquoi il a peur de cette forme d'amour? Tu ne couches pas avec n'importe qui. L'amour, ce n'est même pas une relation sexuelle. Bon, c'est le point final sur la phrase de tout le phénomène de communication énergétique. C'est le point final, il n'est même pas nécessaire. Pour l'animal humain, c'est la première lettre qui commence la phrase. Bon, le point final, il sera énergétique si on est là ou si on ne dort pas. Bon, mais quand on parle d'amour, on ne parle pas de relation sexuelle. Mais pour pouvoir appliquer ce que tu dis, ça prend 3 égaux là, qui acceptent de laisser passer l'intelligence. Le mari, la femme, puis l'autre. Donc, ça prend le mari, la femme, puis un enfant. Bon, ça, c'est l'idéal. Ben, ça arrive souvent. Mais ce qui arrive, c'est que l'homme, la femme ne savent pas comment se nourrir énergétiquement de leur enfant. Et l'enfant, finalement, il va se nourrir des parents, puis à un moment donné, puis il va grandir, puis il va finir par se faire amasser par l'archétype d'adolescent et d'adulte, puis il ne sera plus capable non plus. Est-ce que c'est ce qui fait que les parents ne veulent pas que les enfants se marient? Il y a un paquet de parents Tu as plusieurs choses dans le genre. Parce que, premièrement, les parents seraient incarnés dans leurs enfants, il n'y aura pas nécessairement, eux, choisi l'autre. Fait que marie-toi, mais pas avec lui, pas avec elle. Et en plus, effectivement, quand l'enfant s'en va, ben là, l'autre, il vient y ramasser. Pourquoi tu penses qu'on payait une dot magistrale, il fallait aller acheter la femme et acheter le mari? Mais c'est ça, les parents, là, tu me piques énormément d'énergie. Quand on parle d'amour, l'amour, c'est un échange d'énergie, une communion, une symbiose. Ça se fait entre homme, homme, entre homme, femme, entre femme, femme, entre enfant, enfant, entre homme, enfant, garçon ou fille, entre femme, enfant, garçon ou fille. C'est pas, il n'y a pas question d'obédience sanguine. C'est pas mon enfant, ton enfant, ma femme, ta femme, ceci, cela. Bon, alors ce qui fait qu'avec un oiseau, tu auras la même symbiose énergie, avec un paysage, avec un événement, avec une chanson, une musique, une peinture, tu auras la même symbiose énergie. Et quand un homme dit qu'il est aux oiseaux, c'est ça? Mais la femme a tout vrai, là. Mais c'est un échange de l'amour, donc c'est pas le bon terme qu'on utilise à tous les jours. Ben, est-ce que nous autres, si je prends la définition du mot amour dans le dictionnaire, ça serait certainement pas un échange d'énergie entre un oiseau puis un humain ou entre un poisson puis un rat. Non, on pourrait même dire dans le dictionnaire, c'est la capacité de sélectionner à travers ses goûts un objet ou une personne qui répond à nos attentes et à nos besoins. L'amour, ça n'aime pas. Une chance. L'amour, ça possède actuellement? Oui, mais c'est pas de l'amour. Mais je parle de l'amour réel. L'amour intelligent, ça n'aime pas. Donc, c'est pas de l'amour. Exactement. C'est pas de l'amour dans le sens psychologique. C'est le phénomène sentimental. Est-ce qu'il y a un autre mot qu'on peut donner à ça? Il y a pas, je cherche. L'amitié, c'est proche, mais c'est pas ça. Le respect? Non. L'amour réel amène l'inhibition qui amène le respect forcé. Tant que l'intelligence n'est pas capable de procéder à la désinhibition, alors que égoïquement, on procède à la libération. Alors, votre fille rentre chez vous, elle est libérée, puis elle rentre dans le garde-robe de sa mère, puis elle prend ce qu'elle veut, puis elle s'en va que ça. Elle est libérée. Elle aime sa mère, mais d'une façon libérée. Donc, elle exprime l'amour animal, pouvoir. Désinhibée, elle ne pourrait pas prendre de linge à sa mère. Puis si la mère lui prête, elle aura de la difficulté à le mettre, ça a trop de valeur. Bon, puis si elle le prend, elle y fera attention, puis elle va le remettre en état. Mais libéré. Alors, un homme et une femme libérés, ça se manipule de A à Z. Ils s'aiment animalement, ça veut dire psychologiquement, conditionnellement. Quand je dis l'amour n'aime pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain le plus laid sera capable d'aimer et sera capable d'être aimé. Et là, on va dire, voyons, comment une femme peut aimer ça? Résonance énergétique, ça commence là, ça commence pas par l'esthétisme. Le cerveau. Bon, moi, je regarde une femme ici ou un homme, je le trouve, disons, laid. Mais je jase avec lui et j'entre en résonance énergétique. Mon cerveau va maintenant commencer à rectifier son nez, rectifier ses yeux, rectifier ceci, camoufler un poil de trop. Il devient beau! Puis plus on le connaît, plus il devient correct, beau! Tu voudrais que tu prennes une photo puis lui donner? Je t'en donnerai une. Merci. Le cerveau... Ça, c'est un chum. Un vrai transparent. Le cerveau va rectifier. Donc, on se dit, comment? Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de relation énergétique. Puis la relation énergétique, archétypalement, va engendrer l'amour conditionnel. Alors, la femme et l'homme pourront avoir des relations sexuelles, vous ne comprenez pas comment. Ils pourront s'aimer, pourront être jaloux l'un de l'autre, puis là, on se dit, voyons donc, il est tellement plus beau sur sa planète. Rien à voir. L'amour n'aime pas une chance. Ça veut dire que le criminel le plus endurci sera capable d'aimer. Violer un enfant, puis ramassez-vous en prison. Mais faites attention aux meurtriers qui sont dans le coin, parce que vous ne vivrez pas longtemps. Bon, eux auront tué peut-être des hommes, peut-être des femmes. Il y a un code d'honneur dans la majorité des prisons où celui qui agresse sexuellement ou qui tue un enfant ne vit pas longtemps. Alors, on doit les placer à part. Bon. Ils sont capables d'aimer. Oui, mais ils ont tué. Non, laissez faire le phénomène conditionnel, le phénomène social. C'est gynécologique qu'ils font, ça va de soi. Mais je parle, l'amour, il est partout. Donc, n'importe qui peut être et sera capable d'aimer. Mais aimer n'importe qui, non. On ne peut pas. Quand je parle d'amour intelligent, ça ne veut pas dire que j'aime toutes les personnes qui sont ici. Je ne peux pas entrer en harmonie vibratoire avec tout le monde. Spirituellement, on peut se leurrer, se le faire croire. Non. L'individu, on doit être capable d'établir des ponts de communication. Mais je ne peux pas prétendre ne pas aimer quelqu'un. Il y a des personnes avec qui, on va dire, sont antipathiques. On n'est pas capable de communiquer ou on n'est pas capable même de juste s'approcher physiquement. C'est déjà un viol de territoire. On se sent agressé. C'est ça. Ça, c'est de l'antipathie. Oui. Est-ce que dans le sens inverse, on peut parler de sympathie au lieu d'amour? C'est ce que je dis. On arrive même à l'énergiopathie. Qui est la symbiose totale au niveau énergétique, de toutes les choses. Donc, corporellement, on va se trouver beau. On va se rectifier. Bon. Vitalement, on va se trouver beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta présence près de moi ou chez moi ne viole pas mon espace vital. Je me nourris. Psychologiquement, ça va aller aussi. On est bien. Mentalement, on peut jaser, discuter de choses où on s'énergise. Et nécessairement, sous d'autres plans, il y aura une communication qui va faire que progressivement, on va se reconnaître. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Comme tout à l'heure, je disais à Charles, dans 20 ans d'ici, je te connaîtrai pas plus que maintenant, puis je te connais pas plus présentement que v'là 8 mois, un an, quand on s'est connus. Après 2 heures de communication, on se connaissait. Je te connaîtrai jamais plus. Bon, non, c'est total. Je peux découvrir des choses, je te connaîtrai pas plus. La relation, quand on parle d'amour conditionnel, c'est un amour qui dit « je t'aime si ». Donc, qu'est-ce que tu as fait la soirée? Tu sais, là, puis ceux qu'on va aimer, on peut haïr. On hésite toujours entre l'un et l'autre. L'amour qui n'est pas conditionnel va faire en sorte que on n'a jamais, jamais, jamais rien à prouver et on n'a jamais rien non plus à expliquer. Mais là, il y a des égos qui vont dire « on n'a jamais rien à prouver, c'est pas correct ». Parce que ces égaux-là veulent qu'on leur prouve. L'amour est méritoire aussi pour l'ego. Comment savoir que votre mari, votre enfant ou votre femme vous aime si jamais vous le prouve? Mais merde, observez-les. Vous allez le savoir. Je parle pas, oui, mais gars, son comportement. Mais non. Vous savez, je connais un gars, moi, à un moment donné, là, qui a perdu sa hache. Puis son bois, il a perdu sa hache. Fait qu'il est sorti dehors, puis il fouillait sa hache. Puis là, il a vu le fils du voisin à côté, puis il y a un gars qui avait une tête de voleur de hache. Il marchait comme un voleur de hache, il parlait comme un voleur de hache, il couvait. Fait qu'il ne peut pas vendre son bois. Mais ce qui est arrivé, c'est que 2 jours plus tard, sous une pile de bois, trouvé sa hache. Fait que quand il regardait le fils du voisin, il n'y avait plus rien d'un voleur de hache. Alors, il faut faire attention, c'est pas l'ego qui doit regarder. Parce que l'ego, quand il regarde, il condamne, ben non, il libère, mais c'est c'est pas ça du tout. Vibratoirement, on doit apprendre à s'abreuver de l'autre. D'un paysage. Quand il pleut, ça peut être aussi génial. Regardez des flocons de neige. Les enfants peuvent le faire parce que les enfants ne sont pas encore suffisamment... ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour commencer à acquérir ce qu'ils ont aimé. Donc, à posséder. Alors, il y a plein de choses qui sont géniales. Le conscientiser moyen, le mental, va dire « c'est niaiseux, lui. » Moi, ça, je n'appelle pas ça un conscientiser moyen. J'appelle ça un snob de l'évolution. Mais c'est ça que c'est, un conscientiser moyen. OK. Ben oui, c'est évident, il vit du snobisme de l'évolution. Il peut pas parler à eux autres. Mais non, c'est sûr. Mais non, cette personne-là est capable de trouver la tapisserie belle dans l'hôtel, tu sais, franchement. Faut pas parler à ça, moi. Est-ce que l'enfant difficilement manipulable, est-ce que cet enfant-là, ou l'enfant teflon, je fais référence à, est-ce que lui, il vit du sentiment dont on parle? Il a tout ce qu'il faut pour vivre beaucoup plus l'amour intelligent. C'est pourquoi il est moins manipulable par les voies émotives. Il s'ennuie à peu près jamais. Il se sent pas trop culpabilisable, mais la preuve, il peut manipuler et culpabiliser autrui, même ceux qu'il aime. Il a tout pour. Sauf qu'il y a un point contre, bien souvent, c'est l'éducation. Parce que nous, on apprécie. Il y a un exemple que je donne de temps en temps à conférence au niveau des écoles. Les parents qui rentrent et qui disent que vous n'êtes pas ennuyeux.